c'est le martyr du porte-drapeau qui ne parle qu'en Charlie Tango. Le bon pour des pieds, les zéros, des zéros pour régler les cadeaux. Tenir les chapeaux, c'est pas bon. Vous redorez parfois du blouson. Des gens qui devraient être en prison. Je devrais peut-être mener l'enquête.